Une robe de chambre. Oui, faites vite, j'en supplie. Je vais prendre mon revolver. Là. Voilà. Et je vous suis. Je vous en remercie. Tout de même... Quoi, tout de même? Tout de même, je n'arrive pas à croire que l'assassin soit au château du Glandier. Mais je vous dis que je l'ai vu. Ouais. Je vous en prie, pressons-nous. Je vous suis. Et au fait, qu'est-ce qui vous fait supposer que ce n'est pas l'assassin qui est là? Oh, une supposition idiote. Je croyais l'avoir quitté cet après-midi à Paris. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 13e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Larsan, François Mestre, le père Jacques, André Weber, Madame Bernier, Anne-Alexandre. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 17 août 1983. Fille de Gaston Leroux, Madeleine Lépine Leroux était l'invitée des samedis de France Culture le 6 mars 1982. Quand mon père finissait un roman, dans la villa des Orangers, c'était la villa du bonheur, il fallait qu'il y ait le silence le plus total dans la maison, et quelques amis, quelques parents, la domesticité également, qui faisait vraiment partie de la famille, tous nous attendions. Et tout d'un coup, la fenêtre du bureau, qui avait un balcon au-dessus de la terrasse, s'ouvrait, nous étions sur la terrasse, et il tirait des coups de revolver. Ça voulait dire que le roman était terminé. Tout le quartier le savait, du coup. Et alors nous prenions de la vaisselle, on la cassait, on buvait du champagne, on envoyait les verres par-dessus les épaules, enfin, on prenait des couverts de casseroles, on avait l'air d'une bande de sauvages. Et c'était comme ça à chaque roman. Ça avait fini par se savoir, forcément. Et puis nous jouions à l'occasion de la fête de mon père. Ma mère nous faisait apprendre des pièces de mon père, à mon frère, à moi et à une ou deux camarades. Et nous entrions très bien dans ces personnages parce que nous les connaissions à fond. Alors c'était vraiment la joie pour mon père de voir ces pièces jouées par ses enfants. Et il avait une vie de famille vraiment très, très affectueuse et assez... régulière. Il partait à Paris un mois de temps en temps, quelquefois deux mois, quand il y avait une pièce de théâtre à monter ou qu'il avait des traités à signer. Mais alors il passait son temps à ce moment-là, un mois ou deux, à l'hôtel. Et puis, quand il revenait à Nice, c'était des jouets en quantité qu'il nous rapportait. C'était une fête, encore une fois, extraordinaire. Mais alors là, il restait des mois avec nous. Mais dans la journée, il avait besoin d'aller retrouver les notabilités de la ville et d'aller jouer au poker, d'aller au grand cercle. Il était très joueur. Il y passait souvent ses soirées et c'est la seule chose, la seule note... un peu triste, si vous voulez, qu'il y ait eu, c'est que souvent, ce qu'il gagnait en écrivant le jour, il le perdait en jouant la nuit. Ça, c'était son seul vice. Madeleine Lépine Leroux, au micro d'Yves-Olivier Martin, dans l'émission « À la rencontre de Gaston Leroux », dans les samedis de France Culture, le 6 mars 1982. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, 14e épisode du mystère de la chambre jaune.